them a rock to the dub. Everybody feeling irie tonight. In the matter you a walk, Mr. Vegas knock ya. In the matter if you black or you white. Y'all waistline a swing, Mr. Like engine. And them and them a drink red stripe. So follow Vegas, Jackie and Benji. Everybody just keep me alive. Que la fête commence, les nègres on sont dans la danse. I'm Mr. Vegas original, me and a criminal. Me send me party with your sexy gal. A sonner. On ne peut plus reculer, même face au danger. Restons engagés pour que les choses puissent changer. Yeah. La voix du peuple doit résonner. Yeah. L'heure de la rédemption a sonné. On ne peut plus reculer, même face au danger. Restons engagés pour que les choses puissent changer. Faut-il qu'on continue à se mentir? Excès de violence, acte d'inconscience. Ce quotidien dans lequel on aimerait mieux se sentir est devenu si dur qu'on s'interroge pour l'avenir, car c'est de pire en pire. Certains veulent s'affirmer, adoptent un comportement. Rien à foutre pour prouver, on risque sa vie bêtement. Où va-t-on? On sait ce qu'on récolte à vivre dangereusement. Quatre murs ou quatre planches, une cellule ou un enterrement. Shit, chaque jour on s'enlise, on sait ce qui nous motive. C'est la crise, faut de la main éviter. On en arrive à se bouffer par instinct de survie. On en arrive à agresser même les plus démunis. J'ai peur pour mes frères, j'ai peur pour mes sœurs. Livrés à cette réalité, cessons de répandre la terreur. À surmonter. Oh yo yo, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Chacun de nous veut tutoyer le bonheur, connaître un jour le confort. Donne-toi les moyens d'y arriver, de réaliser tes rêves malgré les épreuves à surmonter. Oh yo yo, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Chacun de nous veut tutoyer le bonheur, connaître un jour le confort. Tu me verras pas courber les chines face à la. Wesh, excuse-moi Renoir, t'es pas le chanteur, le mec Sénec Marron qui passe à la télévision. Si, si. Toi t'es lequel, Jackie ou Benji? A chaque fois je confonds, hein, je sais pas qui est qui. Moi c'est Benji, mais t'inquiète, Jackie et Benji, c'est la même cousin, la même famille, la même équipe, le même tandem. Bah à part ça, qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul ou quoi? T'es pas avec tes sources de PC ou du secteur? Non là, j'ai rendez-vous, calmement, j'attends Jackie en ce moment. On tape l'album dans un studio près la d'ici. La musique ça rapporte, hein, faut ouvrir les portes, hein, t'as touché du zéro, paraît que tu roules en mer quoi. Hey, qu'est-ce que tu veux mon vieux, on fait aller, faut pas se laisser aller. Y'a des hauts, y'a des bas, mais on essaye d'en profiter. L'argent ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Si la zig paye, tout va bien, on fait ce qu'on aime, on se plaint pas. T'as pas un plan, une soirée VIP, toi tu rentres partout, t'es au fichal à Paris. Désolé, j'suis pas trop showbiz, mais si même tracé paillettes, j'évite les nuits blanches au milieu des stars et des starlettes. Mais t'inquiète, y'a pas de problème, si tu veux, on se reverra, qui sait. T'es sûr, hein? T'en fais pas. Mais dis-moi si j'te saoule, hein, si j'te prends la tête, hein. T'as vu, moi j'm'arrange, hein, si t'as mal à la tête, hein. Non, non, non, jusqu'ici tout va bien. Si tu me prenais la tête, j'aurais déjà fait mon chemin. Mais dis-moi si je te saoule, hein, si je te prends la tête, hein. T'as vu, moi je m'arrange, hein, si t'as mal à la tête, hein. Non, non, non, jusqu'ici tout va bien. Si tu me prenais la tête, j'aurais déjà fait mon chemin. Ah ben justement, là, y'a Jackie qui arrive, là, c'est pour nous changer. Pour nous changer, et quitte à déranger, on reste les mêmes questions d'intégrité. Même si à Babylone, elle n'a pas de vivre une femme. Alaska reste Alaska pour la vie. Changer, et quitte à déranger, on reste les mêmes questions d'intégrité. Même si à Babylone, elle n'a pas de vivre une femme. Alaska reste Alaska pour la vie. J'ai grandi à Sarcelles-Garges, banlieue au nord de Paris. Quartier difficile, classé territoire ennemi. On survit entre nous sans soucier de ce qui se passe ailleurs. La banlieue c'est dangereux, mais c'est pour le pire et le meilleur. On crée nos propres règles, on crée nos propres lois. C'est ce qui les fait flipper, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Citoyen, citoyenne, moi je connais pas la Marseillaise. J'écoute du ministère en passant mon frite merguez. C'est vrai que je suis pas comme vous, et vous n'êtes pas comme moi. Appelle-moi Neg Marron, mais en cette saison. On rêve tous d'une vie meilleure, plus de bonheur et moins de pleurs. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Allons dans la bonne direction. On rêve d'une vie meilleure, plus de joie, moins de pleurs. Beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. autres, j'arrive pas à m'y faire. Trop de larmes, trop de peine, trop de haine et trop de guerre. Cette vie sombre laisse un sentiment amer. On vit loin du paradis et bien trop près de l'enfer. C'est si triste, toujours les mêmes à l'aise et les mêmes qui subissent dans le plus grand silence, mais il faut qu'on réagisse. Je ne tiens pas espoir de voir un jour le feu qui brille dans la fête. Allumez les bébés, c'est le dancehall phénomène. Si c'est du rag à qui ils veulent, laisse-nous faire, y'a pas de problème. Bouge encore, la musique d'entre eux. On revient vous faire danser, car c'est ce qu'on aime. Reggae music, c'est ce que tous les gens veulent. Du plus jeune au plus âgé, oui, c'est ce que les gens veulent. De Kingston à Paris, à Vega et West Indies, la dancehall nous envahit. Il fallait s'y attendre, boum dans leur face. Grosse basse bien grasse qui fait trembler la place. Il fallait s'y attendre, présent depuis longtemps. Moi qui aujourd'hui peux freiner ce mouvement. Body boy, allumez les bouteilles, c'est le dancehall phénomène. Si c'est du rag à qui ils veulent, laisse nous faire, y'a pas de problème. Bouge encore, la musique d'entre eux. On revient vous faire danser, car c'est ce qu'on aime. Hey, hey, les nègres marrons reviennent chanter. On prend la parole pour tous les oppressés. Quelques belles mélodies pour vous soulager. Oui, yeah, oui, yeah. On aura toujours les mots qu'il faut et des belles mélodies à chanter pour soulager sur du reggae la douleur de tous ceux délaissés. On aura toujours les mots qu'il faut et des belles pour soulager sur du reggae la douleur de tous ceux délaissés. Si les mots peuvent soulager, alors apaisons les esprits de tous les délaissés. Des démunis et des oubliés, à tous ceux abandonnés sur le bas-côté. Oui, ceux qui souffrent en silence face à tant d'indifférence, les exclus au regard meurtri. Je remémore les paroles de mon vieux, disant Jackie, assieds-toi, faut qu'on se parle à deux. Je me suis sacrifié pour te rendre heureux, mais ma fierté piston, c'est que tu fasses mieux. J'ai quitté ma famille et mon petit pays pour venir en Occident rechercher la vie. Aujourd'hui je ne suis pas riche en millions, mais j'ai construit ma vie à la sueur de mon front. Dans une cité dortoir, faut pas que ce soit l'excuse ou une échappatoire. Bien au contraire, faut que tu prouves à tous ces gens que la banlieue ne rime pas forcément avec délinquants. Fais ton chemin et te retourne pas. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est juste pointer du doigt. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais mieux pour que ton père soit fier. Jackie et Benji, t'entends pas ou quoi? Les deux soldats nègres marrons. Trop de questions sans réponse et les jeunes sont incompris. On peut stopper un révolutionnaire mais pas la révolution. On en veut, on y croit, reste ambitieux. On en veut, on y croit, reste ambitieux. Mais que fait donc le système? Le système. T'entends pas ou quoi? Il a menti, c'est lui qui dit qu'il voit plus Jackie dans la tessine. Dédicace à tous les wicked Batman et ma family. Pam pam pam pam pam. Je sais qui sont les miens, ceux qui me donnent des coups de main et ceux qui mettent des coups de frein. Et tout le monde a les crocs, veut qu'écro ça part du gâteau. C'est la waria, ya. Je protège ton dos. Je veux pas finir en dallo, donc je préfère peser gros. Avec un style légal, official, au micro. On veut continuer à prier, continuer à brûler, continuer à faire que notre musique reste au sommet. On veut rester les mêmes dans ce système qui change. Des propos sanglants, sanglants, même si ça dérange. On en veut toujours plus, voilà pour cracher dans la soupe. J'arrivais, fais péter les watts, allez tout le monde debout. Incendie lyrical, j'ai dit tout le monde debout. Laissez-moi allumer la mèche, pour vous et vous. Qu'on fasse tout péter, pour vous et vous. Hey yo, je suis allé les instrumentaux. Moi je suis une siaméto, pour me tester force le veto. Jackie la voix du ghetto, vas-y allume ton bedo. Venez tout rater photo, c'est de la bombe, y'a pas photo. On fout le feu avec brio, dans mon flow y'a du pétrole. Elle élève les pieds du sol, toute la salle prend son envol. J'ai le phrasé qui décolle, l'ambiance on n'est pas frivole. 150 degrés d'alcool, teigne comme fire, mettez-moi la camisole. Faillader, décider à tout brûler. L'incendie s'est propagé, qui pourra l'arrêter?